Pas de bol, je suis un pauvre, tu vas passer à la casserole. Pas de bol, je suis un pauvre, tu vas passer à la casserole. Et si tu crois que je suis... Fâche de toi, encore faut-il y croire encore une fois. Après s'être filarqué toute sa vie, t'as pas assez de soucis, alors crois-moi, fais ce que tu peux pour ne plus jamais me croire. Les petites combines malignes qui sortent des bourgas pour interdits sexuels, je les connais, c'est tout pour enfin faire ta rencontre. Fallait pas croire aux légendes, je ne suis pas là pour déconner sans forme biochimie. Je suis un pauvre, tu vas passer à la casserole. Pas de bol, je suis un pauvre, tu vas passer à la casserole. Je crois bien t'avoir dit déjà. Sors du lit, c'est bon, je viens de finir. Dégarpille de ma vie et reviens voir. Les soirées au resto, c'est pas pour ta joie, je pense. C'est pour ma libido, mais on mange bien. T'avises pas de rêver un avenir sentimental entre nous. Ça te rendrait nerveuse et ta vie serait bien moins tendre. Puis-tu enfin te lever à 11h le temps qu'il m'en a et que je n'ai pas à faire dans le social avec toi et tes problèmes. Je suis un porc, tu vas passer à la casserole. Pas de porc, je suis un porc, tu vas passer à la casserole. Pas de porc, je suis un porc, tu vas passer à la casserole. Pas de porc, je suis un porc, tu vas passer à la casserole.